Hiver, yeah. Pour faire du Zeyo, faut du Zeyo. Pour faire des zéros, faut des zéros. Faut du cello, faut des zéros. Flow de sel, flow de guéro. J'ai baisé la haie sur du Neo. Bébé, même les génies pleurent. Y'a des gens qui ont des pères, y'a des gens qui ont des géniteurs. Je regarde jamais la météo. Quand t'as du bif, il fait toujours beau. On change de gove, on change d'époque. On change de ville, on change de cote. On change les codes et l'antidote. On range le Glock dans le rangivoc, let's go. Métier, sans vif. Focalisé sur le bif. Les chiffres, la somme, la money. La moule. J'avance avec ce que Dieu m'a donné. Les mains levées vers la Madonna. Je ne vis que pour faire la moule. J'arrive au bled, on m'appelle Mola. Un peu bloqué dans l'ascenseur. Avec une folle qui fait pas semblant. Elle veut me faire des trucs insensés. Qu'elle le fasse vite, j'ai pas 400 ans. Maison 10 nous fait chèque en blanc. On pull up chez eux, c'est juste pour flex. Lunettes quartier anti-reflet. Tu m'appelles, j'ai la flemme. Que personne parte, personne parle. Le roi de l'hiver et Anderson frappe. Comme Anderson Silva, Sony Anderson ou Anderson Pac. Elle est sale seulement. Yeah. On pull up en Roberto Carlos. Des bolides comme en Monte Carlo. Champion comme Karim et Carlo. Yeah. On pull up en Rolex et Gamos. J'ai le fer qui va te donner le tétanos. J'ai le flair et les revers de Thanos. Métier, sans vif. Focalisé sur le bif. Les chiffres, la somme, la moine, la moule. J'avance avec ce que Dieu m'a donné. Les mains levées vers la Madonna. Je ne vis que pour faire la moule. J'arrive au bled, on m'appelle Mola. Focalisé sur le bif. Les chiffres, la somme, la moine, la moule. J'avance avec ce que Dieu m'a donné. Les mains levées vers la Madonna. Je ne vis que pour faire la moule. J'arrive au bled, on m'appelle Mola.